pouvez afficher le plan pour ceux qui voudraient suivre avec plus de précision ce que je pourrais vous dire. Alors, j'ai aussi apporté avec moi quelques disques là. C'est un très beau disque avec de très beaux interprètes. C'est normal parce que c'est mon beau-fils qui l'a fait. Et voilà, il a fondé un groupe qui s'appelle le groupe Eden et ils ont fait un premier disque qui est un disque de louange. Alors, je mettrai ce disque à votre disposition tout à l'heure. Voilà, parlons donc de la Bible. J'ai apporté ici une Bible que Philippe n'avait pas. Ça s'appelle la Bible des cristaux. Et c'était simplement pour vous faire remarquer que la Bible est une référence, et que c'est une référence même implicitement pour ceux qui n'y croient pas. C'est à celui qui écrira sa propre Bible, hein, que ce soit la Bible de la gastronomie, la Bible des pierres précieuses, la Bible du savoir-vivre, et j'ai même trouvé sur Internet une Bible de la bière et des brasseries. Voilà. Donc la Bible est une référence, et quand on veut dire qu'un ouvrage est un ouvrage de référence, même quand on n'y croit pas, eh bien, on dit c'est la Bible de ceci ou la Bible de cela. Par contre, est-ce que nous pouvons être certains, et Philippe nous l'a déjà dit, que la Bible que nous avons aujourd'hui entre les mains est la vraie Bible de Dieu, la vraie parole de Dieu, celle qu'il nous a transmise? Elle a subi et subit encore aujourd'hui de nombreuses attaques, même de très grands éditeurs, comme Philippe nous l'a signalé. Et ce sont des attaques qui visent justement à entamer la crédibilité de la Bible. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que cette Bible-là, eh bien, n'est pas toute la parole de Dieu, n'est pas que la parole de Dieu. Alors, il y a eu des attaques un peu de tous bords. Il y a bien sûr les athées ou les agnostiques. Leurs arguments ont évolué au travers des époques pour attaquer la Bible, pour dire que ça n'est pas venu de Dieu, pour dire que ce ne sont que des hommes qui ont écrit, qu'on n'est même pas sûr qu'ils ont bien écrit ce que nous avons et qu'on n'est même pas sûr qu'ils ont existé. Alors, ça c'est un peu dramatique parce qu'on croit sans contester tout ce qu'a écrit Jules César, sans même savoir s'il a existé, parce que c'est que lui qui a écrit de lui. Et on n'est même pas sûr que c'est vraiment un homme appelé Jules César qui a écrit. Et on a tellement moins de manuscrits de Jules César que de manuscrits de la Bible. Pourtant, il n'y a personne qui n'a jamais contesté Jules César ou Homère. Vous croyez que la guerre de Troie a bien eu lieu? Eh bien, il n'y a qu'Homère qui en a parlé. Et on n'est pas sûr qu'Homère ait existé. Alors, on ne conteste pas Homère, mais on se permet de contester la Bible, alors que son antiquité est au moins aussi attestée que celle des grands auteurs que nous connaissons et que nous apprenons à l'école. Alors, il n'y a pas que les athées ou les agnostiques qui ont attaqué la Bible, il y a aussi les musulmans, bien sûr, qui eux disent que la Bible est carrément falsifiée. C'est pas Mohamed qui a dit cela. Mais par contre, aujourd'hui, pour que le Coran soit trouvé crédible, eh bien, on dit que la Bible, en revanche, ne l'est pas. Les musulmans disent que la Bible a été falsifiée autant par les juifs pour l'Ancien Testament que par les chrétiens pour le Nouveau Testament. Et puis, il y a même des chrétiens libéraux et des sectes qui s'attaquent sans arrêt à la Bible encore aujourd'hui. Ils disent par exemple que la Bible n'est pas que la parole de Dieu. Ça, c'est un peu vrai. Hein. Vous savez que dans la Bible, il y a aussi des paroles de démons. Il y a aussi des paroles d'hommes. Il y a par exemple l'apôtre Paul qui, dans ses épîtres, cite des poètes grecs ou crétois comme Aratus ou Épiménide. Il n'y a pas donc que des paroles de Dieu, mais c'est la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui nous a transmis ces paroles. Et puis, il y en a qui disent aussi qu'elle n'est pas toute la parole de Dieu. Ça aussi, Philippe nous en a un peu parlé, qu'il y a des bribes de la parole de Dieu qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous. C'est aussi un petit peu vrai, parce qu'il y a des citations dans le Nouveau Testament, dans Jude par exemple, où il cite des livres comme le livre d'Enoch, dont nous n'avons plus aucune trace, dont il ne reste plus aucune trace dans nos traditions, dont on n'a plus aucun manuscrit. Mais pour autant, est-ce qu'il devait faire partie de la Bible? Pourquoi, ça a été dit tout à l'heure aussi, pourquoi est-ce qu'il y a plus de livres dans les Bibles catholiques que dans les nôtres? Grave question. Est-ce que ça n'est qu'une question de tradition? Est-ce que ça n'est qu'une question de consensus? Est-ce que ça n'est qu'une question de concile? Est-ce que ça n'est qu'une question de pape? Qui a décidé de choisir ces 66 livres-là que nous avons plutôt que d'autres? À quel moment est-ce que ça s'est passé? Sur quels critères est-ce que ce choix a été fait? Pourquoi des textes rejetés qui s'appelle apocryphe et deutérocanonique ou pseudépigraphe, j'en reparlerai tout à l'heure, et d'où viennent-ils? Voilà, c'est la mission que je vais essayer de remplir aujourd'hui. Heureusement, je me suis un peu mis d'accord avec Guy Leduc et je me suis un peu mis d'accord avec Pierre Houlaire parce que Pierre Houlaire, je l'ai vu le 1er mars, et Guy Leduc était avec nous dimanche dernier, donc ça a permis de régler un peu les pendules pour ne pas se marcher un peu trop sur les pieds. Alors bien sûr, à ces questions, il y a des réponses humaines, c'est celles que nous allons voir, mais il y a surtout des réponses spirituelles et j'aimerais que ce soit celles-là que vous gardiez. Les réponses spirituelles, eh bien, c'est que Dieu est présent avec nous et il a été présent tout au long de la constitution de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a été présent lorsque des hommes ont écrit, parce que des hommes ont écrit inspirés par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui les a fait écrire et il a présidé lui-même à la rédaction de ces textes. Ça, nous en sommes convaincus. Et les conférenciers après moi vous en convaincront encore si vous ne l'êtes pas tout à fait. Le Saint-Esprit a veillé sur les écrivains. Il a veillé sur les écrits aussi. Parce que n'oubliez pas que ces écrits ont été faits sur des supports qui étaient très périssables. Ça a d'abord été écrit sur des tables de pierre. Mais vous voyez que les tables de pierre de Moïse, elles n'ont pas résisté non plus, il les a cassées. Ça a été écrit sur des tablettes d'argile. Et vous pensez bien que des morceaux de tablettes d'argile, on en a retrouvé des quantités. Il faut les recoller les uns à côté des autres pour reconstituer les textes anciens. Ça a été écrit sur des papiers riches. Vous savez, l'ancêtre du papier, constitué à partir de la fibre d'un roseau tressé, assemblé. C'est un peu périssable, le papyrus. Hein. Et puis, ça a été écrit sur des parchemins. Ça a beau être plus résistant, ça ne dure pas quand même éternellement. Il a fallu copier et recopier ces textes. Alors, le Saint-Esprit a sans doute veillé sur sa parole. Parce que non seulement les supports étaient périssables, mais les hommes étaient agressifs. Tout au long des siècles, on a voulu détruire ces textes de la Bible. Il y a eu d'immenses incendies, on appelait ça des autodafés, où les autorités brûlaient les textes de la Bible. Il n'y a encore pas si longtemps, et dans certains pays, ça se pratique encore. On brûle la Bible pour ne pas qu'elle continue à se transmettre. Le Saint-Esprit a veillé sur les écrivains, il a veillé sur les supports, il veille encore aussi sur la bonne interprétation des textes par ceux qui sont soumis à cette parole. Par ceux qui sont fidèles et qui obéissent à la Bible, le Saint-Esprit travaille les cœurs et aujourd'hui il permet encore que des gens soient touchés par ce message de la Bible. Nous avons donc aussi l'intime conviction que le Saint-Esprit qui a veillé sur toute l'élaboration de la Bible, qui veille aujourd'hui sur son interprétation, a veillé aussi sur la sélection des textes et sur la composition du recueil de la Bible. Que ces textes qui ont été écartés, c'est le Saint-Esprit qui les a écartés, que les textes qui ont été conservés, c'est le Saint-Esprit qui nous les a conservés. Sans doute, est-ce que nous n'avons pas toutes les paroles de Jésus ? D'ailleurs, nous avons une citation dans l'Évangile, à la fin de l'Évangile selon Jean, qui le dit. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Nous n'avons donc pas toutes les paroles de Jésus. Mais comme l'a écrit ailleurs Jules Marcel Nicole, ce qui nous a été conservé suffit pour notre foi. Ce qui nous a été conservé suffit pour notre foi. Alors pour l'Ancien Testament, nous avons en plus le témoignage de Jésus et des apôtres qui nous ont confirmé que ces livres de l'Ancien Testament, de notre Ancien Testament, c'est-à-dire les livres de la Bible juive, sont bien ceux qui font autorité. Je suis arrivé là. Témoignage de Jésus et des apôtres. Donc je vais remonter un peu pour que nous commencions effectivement à parler du canon. J'en ai des copies papier aussi, peut-être, si vous souhaitez l'avoir après. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un canon ? Eh bien, ce mot de canon vient de l'hébreu et du grec. En hébreu, c'est kané, c'est presque la même chose. K-A, s'il y avait des voyelles, N-E-H, encore une fois, s'il y avait des voyelles. Le kané, c'est un roseau. Et on parle de ce kané-là dans l'Ancien Testament, en particulier dans le livre d'Ézéchiel. Parce que le livre d'Ézéchiel, il y a cette vision d'Ézéchiel qui... Ézéchiel voit un ange qui prend un roseau pour mesurer le parvis du temple, pour mesurer le temple, pour prendre tout un tas de mesures. Ce sont les textes que j'ai mis ici, Ésaïe 40, vous pourrez retrouver dans Ésaïe 40 et 41, ce roseau, ce canon qui est employé par l'ange qui mesure le temple. Ça a été repris en grec par ce mot « canon », presque exactement le même que le nôtre, et ce canon est une règle. Alors, le canon, c'est une canne ou un roseau qui est assez rectiligne, assez droit, pour pouvoir mesurer, prendre des mesures. C'est une référence en matière de mesure, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'étais à l'école, on m'a appris que le mètre, c'est l'unité de mesure de longueur dans notre système actuel, le système métrique. Que le mètre, c'est en réalité une infime partie d'une longueur de méridien terrestre, le méridien de Paris. Et que pour avoir une référence et que le mètre fasse toujours la même longueur, il fallait quelque part une référence qui serve à mesurer tous les mètres qui seraient en circulation. Et ce mètre de référence, c'était un morceau de métal, un morceau de platine irisée, qui se trouvait exposé à Sèvres, au pavillon de Breteuil, et qui, parce qu'il était en platine irisée, mesurait pratiquement la même longueur en été comme en hiver, parce que vous savez que le métal se dilate et se rétracte. Donc le platine irisée avait cette particularité de ne pas beaucoup bouger. Aujourd'hui, c'est changé, on a d'autres références, parce que la référence pour le mètre, c'est la longueur d'un rayon laser qui traverse le krypton, un gaz. La longueur d'onde du rayon laser qui traverse le gaz krypton. Les références ont changé, mais on a toujours tenu à avoir la même référence. Eh bien, c'est ça que signifie le canon. C'est le mètre étalon. C'est la mesure de base. C'est ce qui sert à mesurer. Alors, quel rapport avec la Bible et quel rapport avec le canon du fusil dont il a été question tout à l'heure? Eh bien, le canon du fusil, c'est un roseau. C'est un tube creux à l'intérieur dedans qui doit être très rectiligne pour guider la balle jusqu'à la cible. S'il n'était pas rectiligne, il y a eu bien des dérives par rapport à cette idée de référence qui est le canon. Il y a eu bien sûr canoniser quelqu'un. Canoniser quelqu'un, ce n'est pas le passer par les armes. Canoniser quelqu'un, c'est en faire une référence. C'est faire que cette personne devienne une référence. On l'a mesuré, on a évalué cette personne et elle devient un modèle de chrétien, selon l'Église catholique. Et puis, on nous parle aussi des références de la beauté, les canons de la beauté, ou encore plus récemment, cette fille est un canon, ça veut dire que c'est vraiment la référence en ce qui concerne la beauté, n'est-ce pas? Alors, eh bien, notre canon à nous, c'est la Bible. Et pourquoi la Bible est-elle notre canon, notre référence? Eh bien, c'est parce qu'elle a été elle-même canonisée. C'est parce que des gens ont examiné, mesuré la Bible et qu'ils ont trouvé que tous les livres qui la composent sont une référence pour nous, chrétiens, ou étaient déjà une référence pour les juifs auparavant. La Bible est une règle de foi et de conduite pour tous les croyants et par laquelle toutes les doctrines doivent être éprouvées, car les livres qui la composent ont été éprouvés et reconnus, authentiques et inspirés par Dieu. Quelqu'un a écrit quelque part, la Bible n'est pas un recueil authentique de livres, mais c'est un recueil de livres authentiques. D'autres livres n'ont pas été intégrés dans le canon des Écritures, soit parce qu'ils n'étaient pas authentiques, soit parce qu'ils ont été reconnus utiles, mais pas inspirés. On les appelle apocryphes. Apocryphe, cela veut dire caché ou secret, ou on les appelle deutérocanoniques. Alors, je vous laisse deviner qui les appelle d'une façon et qui les appelle d'une autre. Nous les appelons apocryphes, les catholiques les appellent deutérocanoniques. Deutérocanoniques, cela veut dire d'un deuxième canon, c'est-à-dire qu'ils ont créé une deuxième sélection, il n'y a pas très longtemps en fait, pour sélectionner d'autres livres qui ont été intégrés à l'Ancien Testament. C'est pour cela qu'il y a plus de livres dans la Bible catholique que dans la nôtre, parce que des livres ont été ajoutés à une certaine époque et reconnus authentiques dans l'Église catholique. Alors, l'Ancien Testament, comment a-t-il été sélectionné? Eh bien, je parlais tout à l'heure du témoignage de Jésus et du témoignage des apôtres. Il faut savoir que dès le début de l'ère chrétienne, les livres de l'Ancien Testament non seulement étaient tous collectionnés, mais qu'ils constituaient déjà la référence. Nous trouvons cette déclaration lors du premier concile chrétien de tous les temps. Le premier concile chrétien de tous les temps, c'était le concile de Jérusalem. Vous trouvez ce récit dans Actes 15. Et il y a Jacques, le chef de l'église de Jérusalem, qui fait cette déclaration. Depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Et quand Jacques fait allusion à Moïse qu'on lit tous les sabbats dans les synagogues, il fait allusion aux 5 premiers livres de la Bible, de notre Bible. Alors les textes du judaïsme ont été écrits sur une période de 1000 ans environ, c'est-à-dire environ de 1446 à 433. 1446, eh bien, c'est le début du recueil, c'est lorsque Moïse écrit, enfin rapporte les tables de la loi. C'est là, on peut penser que c'est là que commence en fait la collection des livres de l'Ancien Testament. Donc Moïse rapporte du mont Sinaï les tables de la loi, les premières tables sont brisées, Moïse doit réécrire des tables de pierre à l'identique, il doit les réécrire parce que ces textes doivent être conservés. Et ces textes sont conservés effectivement, ils sont archivés, ils sont placés dans l'Arche d'Alliance et ils suivront Israël pendant toutes ces pérégrinations tant que l'Arche sera avec les Israélites. Ces tables de la loi ne vont disparaître qu'avec l'Arche que lorsque les Chaldéens emporteront tout ce qui se trouve dans le Temple. Ensuite, Moïse va aussi écrire le livre de l'Alliance. Et ce livre de l'Alliance que Moïse a écrit va se retrouver aussi dans le tabernacle, à côté de l'Arche. Josué, après Moïse, va écrire lui aussi. Et les écrits de Josué vont être ajoutés à ce livre de l'Alliance. Et puis après Josué... C'est un peu le travail de Pierre Houlaire là, que j'entame. Après Josué, il y aura Samuel qui écrit, par exemple, le livre des droits du roi, qui seront aussi ajoutés à ce recueil de textes. Et puis les prophètes qui vont écrire leurs paroles, qui vont les conserver. On n'imagine souvent pas à quel point c'était sérieux, cette conservation des paroles des prophètes. Pensez simplement au livre de Jérémie. Il y a un épisode dans le livre de Jérémie où Jérémie écrit des menaces à l'intention du roi Josachim. Et Josachim ne veut pas prendre au sérieux ces menaces, il prend un couteau, il taillade le texte et il le jette au feu. Eh bien, Jérémie reçoit l'ordre de la part de Dieu de demander à Baruch, son secrétaire, il n'y a pas de livre de Baruch dans notre Bible, mais Baruch a quand même existé, c'était le secrétaire de Jérémie. Et donc, Dieu demande à Jérémie de faire réécrire les textes de ses prophéties contre le roi Josachim. Et Jérémie fait réécrire le texte parce que ce texte doit être conservé. Dieu veille à cela. Alors pendant des générations, non seulement ça, j'ai oublié de vous dire, mais les prophètes attachaient tellement d'importance à leurs paroles qu'ils débutaient presque toujours leurs paroles en disant « L'Éternel a parlé. Voici ce que vous dit l'Éternel. » Ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans les livres apocryphes. Jamais. Cette phrase « Ainsi parle l'Éternel » que prononcent les prophètes dans nos textes n'apparaît jamais dans les livres apocryphes. Donc ils citent leurs propres paroles, les prophètes, et ils citent les paroles des autres prophètes. Il y a fréquemment des citations de Jérémie dans les prophètes qui ont succédé, et il y a aussi des textes qui sont similaires d'un prophète à l'autre parce qu'ils se citent les uns les autres. Ils savent, ils ont reconnu déjà que d'autres prophètes ont parlé de la part de l'Éternel. Alors il y a d'autres textes qui vont être précieusement conservés, comme vous le dira Pierre Houlaire, ce sont les généalogies. Ça vous agace, hein, les généalogies dans la Bible, hein. Il y en a deux dans le Nouveau Testament, il y en a des quantités dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques, c'est insupportable, on se demande à quoi ça sert. Et pourtant c'était très utile parce qu'il fallait que les fils d'Israël puissent trouver leur appartenance à une tribu, et en particulier les Lévites et les sacrificateurs. Et donc les Lévites et les sacrificateurs conservaient et véhiculaient avec eux tout le temps ces textes de généalogie. Et puis il y a les rois aussi, bien sûr, qui avaient besoin de prouver leur généalogie. Donc tous ces textes sont conservés, mais un peu oubliés pendant un temps. Pendant tout le temps de la royauté, quand ce royaume d'Israël et ce royaume de Juda commencent à s'écarter complètement de la parole de Dieu, eh bien on met un peu en oubli ces textes. Et sous le roi Josias, c'est-à-dire vers 640-630 avant Jésus-Christ, on redécouvre le livre de la loi de Dieu dans le temple. Vous êtes peut-être demandé comment cela a été possible. Eh bien, c'était possible parce que justement, les rois devaient conserver à leur chevet une copie de ce livre de la loi, et que visiblement, pendant des siècles, ils ne l'avaient pas fait. Par contre, on avait tellement d'attachements superstitieux pour la Bible écrite, je connais des gens qui sont comme ça, hein. Dites-leur de brûler leur livre là. Ils ne le feront pas. Ils ne l'ouvrent jamais, le livre. Par contre, ils n'oseront pas, par superstition, s'attaquer ou déchirer une page de leur Bible. Eh bien, c'est ce qui se passait pour les Juifs dans l'Ancienne Alliance. Ils n'osaient pas détruire un manuscrit devenu trop ancien. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'emmuraient. Lorsqu'ils faisaient des travaux, ils mettaient, c'est arrivé aussi plus récemment, hein, qu'on emmure des Bibles dans les maisons. Eh bien, c'est ce qu'ils faisaient, ils emmuraient leur texte. Et là, à l'occasion de travaux dans le temple, eh bien, on détruit un mur, sans doute, et on retrouve une vieille copie de la loi dans un de ces murs du temple. Catastrophe, cette redécouverte, ça provoque d'abord la panique. Voilà ce qu'a écrit l'Éternel, mais on avait oublié tout ça. Josias provoque un grand moment de repentance, il provoque une relecture solennelle de la loi, et puis Josias, c'est un grand réveil qui se produit dans ce royaume d'Israël avec cette relecture des textes de la loi. Alors on fait des copies de cette loi et on se jure bien qu'on ne se permettra plus de s'écarter de cette loi. Alors après, eh bien évidemment, le royaume d'Israël va disparaître, le royaume de Juda aussi. Il y aura l'exil assyrien pour le royaume du Nord, l'exil babylonien pour le royaume de Juda. Et les gens vont emporter des manuscrits avec eux, vont les conserver. Nous en sommes convaincus. Et c'est au scribe Esdras, lors du retour, qu'on attribue le fait d'avoir rassemblé tous ces textes et d'avoir constitué le recueil de l'Ancien Testament. Alors il y a des gens qui vont beaucoup plus loin. Des libéraux qui disent que c'est Esdras qui a écrit les textes et que en fait la majorité des textes de notre Ancien Testament datent d'Esdras. C'est complètement incroyable et incompréhensible. D'abord, il aurait fallu plusieurs vies à Esdras pour écrire la Bible à lui tout seul. Ensuite, il aurait fallu qu'il s'invente des styles différents pour écrire les prophéties dans des styles différents. Et ensuite, il aurait fallu qu'il soit assez cultivé pour ne pas commettre d'erreurs géographiques ou d'erreurs historiques en écrivant des textes anciens. Donc c'est vraiment un argument qui n'a pas de poids. Mais on pense, en revanche, que ce scribe, qui était très zélé et très instruit, a constitué ce premier recueil de l'Ancien Testament. Nous savons que dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, le recueil de l'Ancien Testament existait. Pas exactement comme notre Ancien Testament. Vous savez que notre Ancien Testament, lui, il y a des textes historiques, des textes poétiques, et des textes prophétiques. Eh bien, l'Ancien Testament des Juifs n'est pas partagé de la même façon. Il y a le recueil de la loi, c'est le premier, le recueil des prophètes, les Ketubim, et le recueil des écrits, les Nébim ou hagiographes. C'est inversé, Ketubim, Nébim, peu importe. Donc il y a ces trois recueils. Le recueil de la loi, c'est notre Pentateuque. Ce sont les cinq livres de Moïse. C'est pas compliqué, parce que là, ça marche. Il y a le recueil des prophètes. Alors, le recueil des prophètes, il y a les prophètes antérieurs et les prophètes postérieurs. Les prophètes antérieurs, c'est Josué, Juge, Samuel, Roi. Donc, les prophètes antérieurs, c'est Josué, Samuel, Roi et Juge. Parce que, selon le sens biblique du terme prophète, ces hommes étaient des prophètes. Ce sont eux qui ont écrit ces livres et que ces hommes étaient des prophètes. Que ce soit Josué, les rédacteurs du livre des Juges, Samuel ou les rédacteurs du livre des Rois, ce sont des prophètes au sens biblique. Et puis, il y a les prophètes postérieurs, les prophètes derniers. Alors, les prophètes derniers, ce sont Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et... On a récité tout à l'heure. Eva, non, c'était pas Daniel. Non, les prophètes derniers, c'était Jérémie, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12. Ce que nous appelons les 12 petits, c'était un recueil, un seul recueil de ces 12 prophètes. Daniel ne faisait pas partie des prophètes dans la Bible juive, il n'en fait toujours pas partie. Son texte fait partie des écrits, des hagiographes. Donc ça c'est le recueil des prophètes. Et puis le troisième recueil, c'est le livre des écrits. Alors dans les écrits, il y avait les chroniques, Esdras et Néhémie, c'était un seul livre. Un et deux chroniques, Esdras et Néhémie, c'était un seul livre. Écrit par des Lévites. Il y avait Job et Esther, les deux seuls livres anonymes de l'Ancien Testament. Et il y avait aussi les cinq rouleaux de fêtes. Alors, qu'est-ce que sont ces cinq rouleaux de fêtes? C'est Megillot. Ce sont cinq rouleaux qui étaient lus à l'occasion des fêtes juives. Il y a par exemple le livre de Ruth, qui était lu à l'occasion de la Pentecôte, parce qu'il se passe à la moisson des orges. Il y avait le livre d'Esther, qui était lu à l'occasion de la fête des Pourim, qui est toujours lu à l'occasion de la fête des Pourim, parce que, effectivement, la grande délivrance à laquelle Esther a participé en Perse, eh bien, a donné l'occasion d'une nouvelle fête à son époque, qui était la fête des Pourim. Il y a le livre de l'Ecclésiaste, qui était lu à la fête des Tabernacles, le livre du Cantique des Cantiques, qui est lu le 8e jour de la Pâque, et le livre des Lamentations de Jérémie, mais ça c'est entre parenthèses, c'est pas écrit comme ça. Le livre des Lamentations qui est lu lors de l'anniversaire de la destruction du temple, des temples. On a rassemblé la destruction des deux temples sous un même anniversaire. Ce recueil, la loi, les prophètes et les écrits étaient connus du temps de Jésus. Il est cité par Jésus et Jésus a accepté son autorité. Il y a une chose importante que vous devez savoir et que vous devez comprendre. Jésus connaissait ce recueil de l'Ancien Testament. Et parmi tous les reproches qu'il a faits aux pharisiens et aux docteurs de la loi, il y en a un qu'il ne leur a jamais fait. Jamais il ne leur a reproché d'avoir falsifié les Écritures. Jamais il ne leur a reproché d'avoir ajouté ou d'avoir retranché aux Écritures. Il leur a dit qu'ils n'appliquaient pas les Écritures. Mais jamais il n'a dit qu'ils avaient failli à leur mission de conserver ces textes en bon état, de conserver ces textes pour la suite. L'Ancien Testament tel que nous le possédons était donc reconnu par tous les Juifs au premier siècle de l'ère chrétienne. Et il n'y avait personne qui avait décidé à cette époque de dire « ce livre-là est canonique plutôt que tel autre ». C'était des textes qui étaient acceptés par tous les Juifs. Dans le Nouveau Testament, on trouve des citations de tous les livres de l'Ancien Testament, ou presque. Enfin, en tout cas, de tous les recueils. Les seuls livres qui ne sont pas cités de l'Ancien Testament dans le Nouveau, c'est Abdias, Nahum, qui font partie d'un seul recueil, le recueil des 12, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Les autres petits prophètes sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Il y avait Esdras et Néhémie, mais comme je l'ai signalé tout à l'heure, Esdras et Néhémie faisaient partie du même recueil que les chroniques. Il y avait, qu'est-ce qui n'était pas encore cité? Il y avait Esther et le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste, qui eux aussi font partie du même recueil, qui est le recueil des livres de fêtes, des cinq rouleaux de fêtes. Alors Esther, ça se comprend un petit peu. Il y a eu quelques doutes au sujet du livre d'Esther. Je pense que vous savez pourquoi. Exactement, Françoise. Parce que le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le livre d'Esther. Il y a cette providence de Dieu qui agit dans le livre d'Esther, mais le nom de Dieu n'est pas mentionné. Donc il y avait quelques petits doutes, mais ce livre était quand même admis par les Juifs. Alors nous trouvons la trace en 90 après Jésus-Christ de ce concile de Jamnia, j'ai dû en décrire là. Le concile juif de Jamnia n'a pas fixé le canon de l'Ancien Testament. C'est une erreur de penser que ce concile a fixé l'Ancien Testament. Mais il a reconnu la constitution des livres de l'Ancien Testament tels que nous les avons. Pourquoi est-ce qu'il y a eu lieu ce concile de Jamnia en 90? Eh bien, on peut le soupçonner. mais parce que les chrétiens étaient arrivés entre-temps et que probablement les premiers chrétiens, pas probablement, les premiers chrétiens citaient les paroles de Jésus et les paroles des apôtres comme faisant partie de la parole de Dieu. Et donc, pour figer leur tradition, sans doute que le concile de Jamnia a dit, comme on verra, vont faire les catholiques aussi par la suite, eh bien, le concile de Jamnia a dit sans doute que notre tradition est close. Elle est close par ces livres de l'Ancien Testament tels que nous les avons. Et puis, nous avons une autre citation, qui est la citation de l'historien juif Flavius Josèphe. Alors, j'aime pas citer Flavius Josèphe parce qu'on le cite de trop, c'est l'historien juif par excellence. Lui, il a fait aussi, il a confirmé cette liste du canon hébreu. En réalité, je le considère un peu comme un fumiste, Josèphe. Il a écrit un bouquin qui est carrément la paraphrase de l'Ancien Testament. Il a réécrit l'Ancien Testament à sa manière. Il y a inclus des traditions que les Juifs ont conservées depuis. Et puis, c'est un homme qui était un révolutionnaire, Flavius Josèphe. C'était un sicaire, c'était un révolté contre les Romains, c'était un révolté. Et il s'est soumis un jour aux Romains, à Titus, qui était le général qui a conquis Jérusalem et qui, après, est devenu empereur à la suite de son père. Eh bien, Flavius Josèphe s'est soumis à Titus, et puis il est devenu complètement un courtisan, tout à fait obséquieux, et tout ce qu'il a écrit de l'histoire juive, c'était aussi un peu pour rendre hommage et rendre gloire aux Romains. Alors, bon, quand on cite Joseph, moi je préfère citer la Bible, si vous voulez. Hein. Ça me semble quand même plus sérieux. Mais beaucoup de gens font l'inverse. Ils préfèrent citer Joseph que citer la Bible. Voilà. Alors, pourquoi y a-t-il des apocryphes de l'Ancien Testament? Eh bien, ça provient de la traduction grecque qui a été faite entre 283 et 246 avant Jésus-Christ. Cette traduction grecque des Septante, ça s'écrit comme ça, Septante, hein, si vous ne savez pas, qui a été commandée donc par un souverain d'Égypte qui n'était pas égyptien, mais qui était grec, qui s'appelait Ptolémée Philadelphe, Ptolémée II. C'est un des successeurs d'Alexandre. Vous savez que Alexandre le Grand a conquis des territoires considérables et que son empire, à sa mort, il n'est pas mort très vieux, il n'avait pas 40 ans quand il est mort, son empire a été séparé entre quatre successeurs, dont un successeur qui a pris possession de l'Égypte. Ce Ptolémée égyptien était donc un grec. Une de ses descendantes est très connue, c'est Cléopâtre. Et c'est ce Ptolémée II qui a construit la bibliothèque d'Alexandrie, une des sept merveilles du monde. Bibliothèque qui contenait des ouvrages de toute l'Antiquité. Et donc, pour avoir des textes d'origine juive, il a fait faire par des juifs une traduction grecque de tous les textes juifs, parce qu'il voulait aussi avoir dans sa bibliothèque les textes juifs. Et donc, des savants sont venus faire des traductions. Ils ont traduit tous les textes de l'Ancien Testament, bien sûr, mais d'autres textes avec aussi. Et ces textes-là, Ptolémée n'en avait rien à fiche, que ce soit la Bible juive ou pas. Et quand on a voulu faire une traduction latine de la Bible, eh bien, on est parti, parce que c'était plus facile, du texte grec des Septante. Et voilà l'histoire. La première traduction latine, la vieille latine, est tirée directement du texte des Septante, c'est-à-dire qu'il a collecté tous les textes bibliques et non bibliques qui se trouvaient à Alexandrie. Voilà comment c'est arrivé. Alors, quelqu'un s'est insurgé contre ça, c'est Jérôme. À la demande de l'évêque de Rome, Jérôme devait réviser la traduction vieille latine, qui commençait à vieillir, parce qu'à l'époque, le latin était une langue vivante, bien sûr. Et donc, pour renouveler ce texte de la version latine, Jérôme a été missionné par l'évêque de Rome, qu'il devait aller en Égypte, à Alexandrie, et puis refaire une traduction des textes grecs. Mais Jérôme était un insoumis, c'était quelqu'un qui ne se contentait pas de faire ce qu'on lui demandait. Et il a en plus fait un détour par Bethléem, et à Bethléem il a rencontré des savants juifs auxquels il a parlé, et sa traduction de la Vulgate n'est pas seulement basée sur le texte des Septante, mais aussi sur le texte juif. Et c'est là qu'il a appris Jérôme, c'est là qu'il a appris Jérôme qu'il y avait certains textes qui étaient dans la traduction latine qui n'étaient pas des textes de la Bible juive. Et il a mis en garde donc l'évêque de Rome, en disant, il a fait carrément un avertissement dans la version de la Vulgate, en disant, ces livres ne sont pas des livres reconnus comme faisant autorité parmi les Juifs. Mal lui en a pris, parce qu'à cause de cela, eh bien, la Vulgate est restée dans les tiroirs pendant 4 siècles. C'est-à-dire que la traduction de Jérôme, qu'on connaît comme étant aujourd'hui la base de toutes les versions catholiques, en réalité n'a pas été acceptée du tout par l'Église de Rome. Elle est restée cachée pendant 4 siècles jusqu'à Charlemagne. C'est Charlemagne qui a remis cette traduction de la Vulgate en circulation. Vous voyez que l'Église catholique, déjà à cette époque, tenait à ces livres apocryphes. Cependant, eh bien, ça n'est que lors du Concile de Trente, en 1546, que ces écrits apocryphes vont être canonisés. C'est ça, le deuxième canon. 1546. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, parce que les protestants avaient fait leur propre Bible. Et que Olivetan avait fait une traduction par rapport aux originaux hébreux et grecs. Et que par rapport aux originaux hébreux et grecs, eh bien, il n'y avait pas les livres apocryphes. Alors, pour contrer la réforme, le Concile de Trente a décidé d'inclure définitivement ces livres apocryphes dans la version catholique. Et on a tant parlé du Concile de Vatican II, mais il y a une chose sur laquelle le Concile de Vatican II n'a pas décidé de revenir, ce sont ces livres deutérocanoniques. Et ce n'est pas avec le pape actuel que ça changera, parce que lui, c'est la tradition avant tout. Voilà. Alors, ces livres apocryphes de l'Ancien Testament, quelques-uns ont été cités. Il y a Tobie, 1 et 2 Maccabée, Judith, Sagesse de Salomon, Ecclésiastique, c'est-à-dire la sagesse dont Philippe nous parlait, sagesse de Jésus ben Sirac. Il y a Baruch, la lettre de Jérémie, le premier Esdras et des additions au livre d'Esther et de Daniel. Rien à voir avec les textes bibliques. Je vous donne quelques exemples. Le livre de Tobie est celui qui a fondé la doctrine du purgatoire, par exemple. C'est un livre complètement légendaire, où les poissons parlent, où on s'en va discuter avec un poisson et que Dieu parle par le bouche du poisson. Enfin, c'est absolument dément. Le livre de 1 et 2 Maccabée est le premier livre de Maccabée est un livre historique avec beaucoup d'intérêt historique, mais il n'a cependant pas été inclus. Le deuxième livre de Maccabée est un livre de littérature, et l'auteur du deuxième livre de Maccabée conclut son livre par des paroles qui ne laissent pas de doute. Il dit qu'il a écrit son livre pour plaire à ses lecteurs, et que si des choses sont inexactes dans ce qu'il a écrit, il s'en excuse, et que etc., etc. Donc il fait vraiment un discours d'écrivain. Judith, c'est un livre historique qui raconte une histoire qui ne s'est jamais passée, c'est une légende historique. Judith, ça veut dire la juive, déjà, son nom, est une héroïne imaginaire qui a vaincu un grand tyran étranger qui était venu envahir la Palestine, qui s'appelait Holoferne. Elle s'est introduite dans sa tente et, à l'instar de Yaël, merci, c'est ma petite fille, à l'instar de Yaël, elle est entrée dans la tente de Holoferne et elle lui a coupé la tête. Voilà. Elle a apporté la tête à son peuple. Alors, il y a plein d'erreurs historiques dans ce livre, plein d'erreurs géographiques, des déplacements qui sont invraisemblables. Donc, absolument rien à voir non plus avec le texte de la Bible. Et je pourrais continuer comme ça sur tous les textes de ces apocryphes qui, en fait, n'ont rien à voir. Alors, quand on vous dit il y a des légendes dans la Bible, oui, il y en a dans la Bible catholique, forcément, à cause de l'introduction de ces livres qui ne devrait pas y être. Voilà. Le reste, ce sera l'objet de questions, si vous en avez. Le Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament, évidemment, ont suivi un sort un peu différent, parce que... Donc, ces livres du Nouveau Testament se sont construits autour des paroles de Jésus, pense-t-on, mais pas tout à fait, c'est pas tout à fait exact. Ça a commencé par les écrits des apôtres. Les écrits des apôtres, dès le 1er siècle, se sont mis à circuler entre les églises. On reconnaissait l'autorité des apôtres déjà de leur vivant, et on a reconnu aussi l'autorité de leurs écrits. J'en suis pas encore là. On a reconnu aussi l'autorité de leurs écrits. L'apôtre Paul lui-même avait une grande confiance en ses propres écrits. Rappelez-vous, dans la deuxième aux Corinthiens, il y a un moment cette phrase un peu bizarre. En ce qui concerne ceci, c'est moi qui le dis. Il se détache là de son inspiration en disant cette chose-là, je pense avoir moi aussi l'esprit de Dieu, mais c'est moi qui le dis. Pour le reste, il a conscience de son inspiration. Lorsqu'il écrit une lettre à l'église de Colosse, il dit « Vous la partagerez avec les Laodicéens » et de même qu'ils partageront avec vous la lettre que j'ai écrite, que je leur ai écrite. Donc Paul avait conscience de l'autorité de ses écrits. Et les gens autour de lui avaient conscience de cette autorité. Les lettres de Paul en particulier vont être recopiées d'église en église. L'épître aux Éphésiens déjà était écrite de cette manière. On a retrouvé des manuscrits de l'épître aux Éphésiens avec le nom de l'église en blanc. Paul à l'église qui est à point de suspension. Ce qui fait dire que cette lettre était une lettre circulaire qui a pu être adressée à plusieurs églises et avec le nom d'église ajouté par la suite. Donc ce sont d'abord les écrits des apôtres. Quant aux paroles de Jésus, elles ont commencé par être mémorisées. Jésus avait un style de discours qui rappelait celui des prophètes de l'Ancien Testament. Il avait fait ses discours de telle manière qu'on les retienne. Pensez, heureux ceux qui, etc. Le rythme des discours, la façon de les dire pour qu'on les retienne. Et probablement, dans un premier temps, les paroles de Jésus ont été transmises verbalement. C'est pour ça qu'on en trouve des recensions qui peuvent sembler un peu différentes, par exemple dans Matthieu et dans Luc. Certains pensent qu'il y a eu des paroles qui ont été écrites. On a appelé ça les logia. Les logia, c'était en fait des discours de Jésus qui avaient été mis par écrit pour qu'on puisse se les passer de l'un à l'autre et les dire en public. Les évangiles tels que nous les connaissons, enfin les quatre que nous connaissons, ont été écrits vers la fin du premier siècle. Pourquoi ? Parce que les apôtres étaient convaincus dès le départ que Jésus allait revenir de leur vivant. Et donc, ils n'avaient pas jugé utile tout de suite de mettre par écrit le récit de la vie de Jésus. Ça n'a donc été fait qu'à la fin du premier siècle. Le plus récent, sans doute, d'entre eux est l'évangile selon Jean. On le sait parce qu'il a un peu complété ce que disaient les autres, qui a dû être écrit vers l'encens, vers la fin du premier siècle. Donc, ces écrits, bien sûr, ont aussi circulé. Les récits de la vie de Jésus ont circulé avant la fin du 1er siècle. C'est pour cela que j'en arrive à Justin Martyr, père apostolique, qui rapporte que chaque dimanche, les évangiles et les écrits des apôtres sont lus dans les réunions des chrétiens, au même titre que les livres des prophètes de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est un père apostolique? Eh bien, on a divisé les anciens en plusieurs catégories. Il y a eu les apôtres, les pères apostoliques, ce sont ceux qui ont suivi directement les apôtres, qui ont connu les apôtres. Et après, il y a les pères de l'Église, ce sont ceux qui n'ont pas connu les apôtres, mais qui sont devenus les fondateurs de l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc Justin Martyr, en 150, il avait connu au moins un des apôtres. Et il dit déjà donc que ces textes du Nouveau Testament circulent, qu'ils sont lus, qu'ils sont acceptés comme la parole de Dieu dans les églises. À ce moment-là, personne n'a décidé qu'ils devaient l'être. C'est simplement les chrétiens qui considèrent ces textes comme étant la parole de Dieu. Le fragment muratorique qui date du IIe siècle donne aussi une liste complète contenant déjà les quatre évangiles que nous avons, les 13 lettres de Paul, sur lesquels il n'y a jamais eu de contestation dès l'origine, les actes des apôtres que nous avons, parce qu'il y en a d'autres, ceux écrits par Luc, les 3 lettres de Jean, pas de difficulté non plus, Jude et Apocalypse, on aurait pu penser que Apocalypse créerait des problèmes, ça n'a pas été le cas, plus 2 autres écrits non canoniques, il s'agit du pasteur d'Hermas et de la Didaché. Alors pourquoi ces 2 livres qui font autorité, qui faisaient autorité à l'époque, n'ont pas été retenus? Eh bien parce que ces écrits n'étaient pas dans toutes les églises et que certains ont considéré que, et l'ont écrit, des évêques l'ont écrit à cette époque, que ces livres avaient un grand intérêt, mais qu'ils ne pouvaient pas être considérés à l'égal des écrits des apôtres. Quel était le grand argument pour retenir un livre à cette époque? C'était le nom d'un apôtre. C'était le nom d'un apôtre. Si une lettre était signée par Paul, elle passait sans difficulté. Alors vous imaginez là aussi que des livres ont été un peu mis de côté à l'origine, c'est l'Épître aux Hébreux par exemple, parce qu'elle était anonyme. Les récits de Jésus, j'en ai parlé, Justin Martyr, fragment de Muratoris, c'est au IIIe siècle qu'à cause des écrits sectaires qui circulent, que l'examen et le tri vont amener à un accord écrit entre les églises. Et cet accord écrit ne va être finalisé qu'au IVe siècle. Pensez le chemin parcouru. Ce n'est qu'au IVe siècle qu'on va parler de concile et qu'on va parler de figer les choses. Mais ce ne sont pas les conciles qui ont choisi les livres. Les conciles n'ont fait que accepter, entériner ce que les églises avaient déjà choisi. En 316, il y a un écrit d'Eudes de Césarée qui est sans doute un des plus grands artisans, c'est l'Esdras du Nouveau Testament, Eudes de Césarée, non pas qu'il ait rassemblé les écrits, mais il a fait une enquête dans toutes les églises, il a circulé entre les églises. Et il a fait cette enquête qui montre qu'il y a des livres qui sont universellement reconnus dans toutes les églises. Alors, je ne vous les recite pas, hein, c'est notre Nouveau Testament quasiment. Ceux qui sont contestés, alors Jacques, pourquoi Jacques? Parce que ça ne ressemble pas tellement à ce qu'a écrit Paul. Il faut être réaliste. Et parce qu'au départ, on a pensé que c'était l'antithèse de ce qu'écrivait Paul. Il y a deux pierres. Pourquoi deux pierres? Parce que l'apôtre signe non pas Simon-Pierre comme dans la première épître, mais il signe Siméon-Pierre. Et il est censé écrire de Babylone. Or, à l'époque où l'épître est écrite, Babylone est détruite depuis longtemps. Donc il cache le nom de la ville d'où il écrit, et il cache un peu son nom aussi quand il écrit. On peut imaginer pourquoi, c'est à cause des persécutions, bien sûr. Et ça a provoqué, comme je le disais, à cause du nom des apôtres, ça a provoqué un peu de doute sur la deuxième de Pierre. Deux et trois Jean, il y a des doutes, ils ne sont pas mis partout. Jude, pourquoi Jude? Bien parce que son épître ressemble un peu trop à celle de Pierre, que parfois on pourrait penser que c'est copié, et que Jude, ben, il n'était pas connu comme un apôtre, il est juste connu comme étant le frère de Jésus. Alors ça a jeté un peu le doute aussi sur son épître. Et puis, il y a parmi ceux qui sont contestés, ceux qui sont contestés seront finalement acceptés, et ceux qui sont mis en doute. Alors, les actes de Paul, la Didaché dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un écrit du début du deuxième siècle, le pasteur Bernas dont j'ai parlé aussi, qui est aussi du début du deuxième siècle, et il y en a d'autres qui sont considérés comme hérétiques et absurdes. J'en parlerai juste un petit peu tout à l'heure. Athanase était un des pères de l'Église les mieux reconnus à son époque. Athanase a donné lui aussi une première table complète des écrits du Nouveau Testament, et c'est suivant cette table d'Athanase que finalement les premiers conciles, les conciles d'Hippolyte et de Carthage, vont entériner cette liste du Nouveau Testament. Voilà comment c'est arrivé. Voilà comment nous avons le Nouveau Testament que nous avons. Celui-là, il n'est contesté dans aucune église. L'Église catholique n'y a jamais ajouté aucun apocryphe, et certains ont essayé d'en ajouter d'autres. Il faut bien penser que lorsque ces conciles ont eu lieu, il y avait des sectes importantes qui travaillaient dans tout le bassin méditerranéen. Il y avait les Ariens, par exemple, la secte d'Arius. Rien à voir avec les Ariens germains, hein, c'est pas ça du tout. Ariens, là ça s'écrit A-R-I et pas A-R-Y. Hein. Donc les disciples d'Arius qui voulaient faire circuler leurs propres écrits aussi et les intégrer au Nouveau Testament, il y avait les gnostiques qui pensaient que la sagesse était de comprendre tous les secrets de Dieu et qui pensaient qu'il fallait accumuler les connaissances pour avoir le salut. Et bien souvent, pourquoi est-ce qu'il y a fallu trois conciles? Parce qu'entre ces conciles, il y en a eu d'autres avec les Ariens, par exemple, qui prenaient le dessus et qui réussissaient, par exemple, à contester la Trinité, etc. Ça n'a pas été si facile qu'on peut le penser. Alors, des dizaines d'écrits apocryphes douteux sont listés sur Internet. Il y en a de plus en plus, surtout depuis le livre de Dan Brown, le Da Vinci Code. Sans cesse, on met sur le marché, si je puis dire, des nouveaux livres soi-disant antiques. Alors, les plus connus sont les évangiles de l'enfance. Il y en a trois. Il y a le protévangile de Jacques, l'évangile de l'enfance de Thomas et un autre évangile de l'enfance. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas été accepté? On y parle d'une période que nos évangiles ne décrivent pas, c'est l'enfance de Jésus. Entre sa naissance et l'âge de 12 ans, on ne sait rien de ce qui s'est passé. Eh bien, les évangiles de l'enfance nous décrivent un Jésus sans commune mesure avec le Jésus que nous connaissons. C'est en quelque sorte un dieu enfant, un dieu grec, qui va au bord d'un ruisseau un jour de sabbat, qui s'amuse avec ses copains, qui façonne des oiseaux en argile. Et puis, comme son père Joseph arrive et qu'il n'est pas content et qu'il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu travailles un jour de sabbat. » Jésus claque des mains et puis les oiseaux s'envolent. Voilà. Ça, ce sont les évangiles de l'enfance. Ça vous définit un peu le thème de ce que ça peut être. Entre autres évangiles connus apocryphes, il y a l'évangile de Marie. Pas Marie, la mère de Jésus, mais Marie-Madeleine. C'est de celui-là que s'est surtout inspiré Dan Brown pour le Da Vinci Code. Marie-Madeleine aurait été le disciple préféré de Jésus. Dan Brown, du coup, a réétudié le tableau La Scène de Léonard de Vinci et il a dit le personnage qui se trouve penché contre Jésus est très féminin, c'est pas du tout l'apôtre Jean, c'est Marie-Madeleine. Bon, Marie-Madeleine aurait été le disciple préféré de Jésus, d'après cet évangile. C'est elle qui aurait reçu de Jésus les connaissances supérieures, la gnose, d'où il est facile de comprendre que c'est un évangile gnostique, écrit vers le IIe siècle. Eh bien, elle aurait reçu cette connaissance supérieure qui aurait rendu les apôtres jaloux et elle aurait été mise un peu à l'écart par les apôtres à cause de cela, ce qui explique que la tradition raconte que Marie-Madeleine est montée dans un bateau qui a finalement échoué sur les côtes de France et qu'elle aurait finalement épousé un des ancêtres des rois de France. Vous gardez cela pour vous, hein, c'est vraiment une histoire à dormir debout, que Dan Brown a enfourché sans difficulté et que bien sûr aujourd'hui ceux qui veulent discréditer la Bible ne se privent pas de raconter. Et puis il y a aussi un évangile de Judas, celui-là il est très à la mode aussi, évangile de deuxième siècle, aussi évangile gnostique, dont on trouve des traces dans les films qui ont été faits sur la vie de Jésus. Alors, regardez bien les films sur la vie de Jésus aujourd'hui, on présente Judas comme un personnage pas si antipathique que ça finalement. C'est un homme qui, d'après l'évangile, l'évangile de Judas, ce n'est pas Judas qui raconte l'histoire de Jésus. Hein. C'est un évangile écrit sur la personne de Judas. Et Judas serait un homme qui avait eu conscience de la grande mission qui lui était confiée, d'amener Jésus jusqu'à la croix. Parce que dans les films, on le présente comme celui qui essaie de provoquer Jésus. Il dit « Si je le livre, ça va provoquer sa réaction et il va endosser vraiment son costume de Messie, celui qui combat les Romains. Et il va appeler avec lui ses 12 légions d'anges et il va conquérir son territoire. » Bien dans l'évangile de Judas, on dit non, il avait conscience de sa mission divine. Il a amené Jésus à la croix pour que son corps soit crucifié, afin que par sa résurrection, il connaissait effectivement tout le contenu de la mission de Jésus. Alors, je vais conclure bientôt entre tous ces évangiles, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a l'évangile de Pierre, l'évangile de Barnabas, l'évangile de Barthélemy, l'évangile des Égyptiens, l'évangile d'André, de Philippe, de Nicodème, de Joseph le charpentier. Jusqu'au IVe siècle, les récits de l'évangile font légion. On en a retrouvé des traces un peu partout, en Égypte en particulier. Effectivement, il y a des manuscrits qui sont conservés dans les bibliothèques, reconstitués, etc. Certains en très bon état, qui n'ont pas été conservés simplement parce qu'ils ne devaient pas l'être. Comme je le disais au début, retenez surtout de ce que je vous dis aujourd'hui, que c'est le Saint-Esprit qui a veillé à la constitution du canon des Écritures. Et que c'est par son secours que nous savons aujourd'hui que c'est vraiment notre Bible qui est la Bible. Et justement, notre Bible se conclut par ces mots. Alors bien sûr, ça conclut l'Apocalypse, ces mots. Mais j'ai tellement de plaisir à penser que le Seigneur pense de la même façon de tout l'ensemble de la Bible. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Voilà. Je pense qu'on va prier avant de passer aux questions. Seigneur, cela peut nous paraître bien compliqué, tout ce cheminement, ces détours que la Bible a utilisés pour nous parvenir. Et cependant, nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus que c'est ta parole. Nous en sommes convaincus parce que c'est toi-même qui nous a touchés par ces textes. C'est toi-même qui a ouvert notre esprit, qui nous permet de les comprendre aujourd'hui. Merci pour ta parole, comme nous l'avons déjà dit, comme nous l'avons déjà exprimé. Merci parce que tu as veillé en toutes sortes de choses pour qu'elle nous parvienne dans son intégralité. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui encore, c'est ta parole pour nous et ta parole pour le monde. Amen.